Le même jour, les compétitions sportives nationales des étudiants pour le prix 5 septembre sont ouvertes à Hamon. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des cadres intéressés, des joueurs sélectionnés des provinces, ainsi que des étudiants de la province du Hamgyong du Sud. Les joueurs disputeront les matchs de plusieurs disciplines comme sport paramilitaire, football, basketball, volleyball, ping-pong et taekwondo.